Fini de rigoler. Je vais t'apprendre, moi. Regarde ça. Plus t'as des fourrailles, je ne vais pas faire de détails. 75 Paname, c'est pas le pays des merveilles. Plus t'as des fourrailles, je ne vais pas faire de détails. Annonce-leur l'arrivée d'Eric Athéa. Plus t'as des fourrailles, je ne vais pas faire de détails. Pec à famous pour le fils. Plus t'as des fourrailles, je ne vais pas faire de détails. 75 Paname. Mon sud est, ouest, c'est non. Les mecs du haut. Banlieue sud-est, ouest, nord. Laisse ton bras en l'air que je remette tous les ghettos d'accord. Banlieue sud-est, ouest, nord. Les mecs du haut. Banlieue sud-est, ouest, nord. Laisse ton bras en l'air que je remette tous les ghettos d'accord. Vas-y, fais vibrer les bancs, allez scratch. Représenter hip-hop. Vas-y, fais vibrer les bancs, allez scratch. C'est Paris, ouais, c'est pas rien. Qui veut être la capitale, c'est nous les paras. Viens par là, viens par là. Ceux qui m'attendaient pas, rap à cause de quelques intrus. Quelques intrus. Tu vas jouer des bouchers, déboucher le marché du sud. Les phases fusent, mais dites-moi où sont mes rivaux. Rap, pour, rap, tout, Carlou, chez rap. On va bien qui fait ton choix et sache que quelques intrus. Ouvre grand tes oreilles, ça va te faire du bien. Tout le monde me dit que je suis wack sur les platines. Ouvre grand tes oreilles, ça va te faire du bien. Enchaîne, scratch, passe, passe, bleed, bleed, bleed, bleed, bleed, je glean. Ouvre grand tes oreilles, ça va te faire du bien. Tout le monde me dit que je suis wack sur les platines. Sur les platines. Ouvre grand tes oreilles, ça va te faire du bien. Attention, une autre fois, je pourrais être plus méchant.